ma jolie, tu me souris, tu es belle et si gentille. Me blottir entre tes bras, c'est ce que je veux déjà. Je t'aime trop, quel bonheur t'es réglé. À la bonne heure j'hallucine et je retarde mon horloge. Celle qui me tarde, j'attends tout de notre union du plaisir. Comme c'est bon ton sourire, pendant l'amour tu es belle. Oh, mon amour, j'entrevois entre tes yeux quelque chose de malicieux. Si tu m'aimes, faisons un tour, moi je t'aime. Avec retour j'irai loin, dans tes pensées nous ne pouvons que nous aimer. J'embrasserai ton joli corps et t'aimerai jusqu'à la mort. Si seulement nous pouvions faire un pacte, ça serait bon, pas de mariage. C'est trop facile, mes bisous tendus et graciles, mon amoureuse. De toujours je te donne tout mon amour, accepte-le comme un présent, je t'embrasse. Moi ton amant, ô Marion, comme je t'aime, tu es si belle et j'aimerais que jamais notre histoire ne puisse s'achever. J'attends tout de notre union du plaisir, comme c'est bon ton sourire. Pendant l'amour tu es belle, oh mon amour.